Diego Ça Bouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM. Samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul. Page Facebook Diego Ça Bouge. Bonjour et bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de votre émission culturelle consacrée au Grand Nord de Madagascar, Diego Ça Bouge. Une émission coproduite par Radio France Madagascar à Tana et diffusée à Diego Suarez par Radio Jupiter. Pour ce deuxième numéro, nous vous emmenons avec nous aux différents concerts qui se sont déroulés à Diego ces dernières semaines. En effet, à l'occasion de la venue de la frégate Lafayette et des marins français, un certain nombre de festivités étaient organisées pour notre plus grand plaisir. Ainsi, nous irons à la terrasse du voyageur, au jardin tropical ou encore place de l'hôtel de ville pour suivre les prestations de Faragas Fusion venues spécialement de la capitale ou des Sarandra Beluba qui ont traversé tout le pays depuis l'extrême sud de Madagascar pour nous offrir quelques soirées de folie ici à Diego. Avant de vous livrer le sommaire complet de l'émission, je vous propose comme de coutume d'écouter avec moi ce petit bijou enregistré à l'improviste en studio par l'artiste Drina. On le retrouve sur scène à Tana le samedi 11 mai, lors de la journée organisée par la revue Indigo. Tsanga kevitrine ampiavagna zanak'olombô Tsagnavane saranga tsagnavane zanak'obô Ya amboarine ny taranaka vaovao Adiadina rô taloha tagny tsy idirane zaza vahizô Fa tsanga kevitrine ampiavagna zanak'olombô Tsagnavane saranga tsagnavane zanak'obô Amboarine ny taranaka vaovao Ambilanarô zahay iaraka aminazy Izy tiako zahay iaraka aminazy Ambilanarô zahay iaraka aminazy Izy tiako zahay iaraka aminazy Taloha tagny tsy idirane zaza vahizô Fa tsanga kevitrine ampiavagna zanak'olombô Tsagnavane saranga tsagnavane zanak'obô Ya amboarine ny taranaka vaovao Fadifadinarô taloha tagny tsy idirane zaza vahizô Fa tsanga kevitrine ampiavagna zanak'olombô Tsagnavane saranga tsagnavane zanak'obô Amboarine ny taranaka vaovao Ambilanarô zahay iaraka aminazy Izy tiako zahay iaraka aminazy Ambilanarô zahay iaraka aminazy Izy tiako zahay iaraka aminazy Ambilanarô zahay iaraka aminazy Cosa yaraka aminaze Ambilana rosa yaraka aminaze Istia cosa yaraka aminaze Ayo Yaraka minolo tiako koza yaraka aminaze. Istia koza yaraka aminaze. Hambila na roza yaraka aminaze. Istia koza yaraka aminaze. Hambila na roza. Vous êtes toujours à l'écoute de Diego Sabouge sur Radio France Madagascar à Tana et Radio Jupiter à Diego. À l'instant, c'était Drina que nous retrouverons sur scène à Tana le 11 mai prochain à l'Alliance Française. Mais passons sans plus tarder au sommaire de cette émission. Pour ce second numéro, nous partons en reportage à l'occasion des mobilisations organisées par la société civile autour de l'événement Earth Hour, une heure pour la Terre, pour sensibiliser l'opinion sur la question des changements climatiques. Ensuite, nous rencontrons, à l'occasion de son passage à Diego, le fondateur de la revue culturelle Indigo, une nouvelle venue dans l'océan Indien. Il nous parle de cette aventure ambitieuse et de ses projets dans la région Nord. Également de passage à Diego, nous irons à la rencontre des Faragas Fusion, venus de la capitale. Nous écouterons également un extrait de leur concert du 28 mars dernier au Jardin Tropical. Enfin, pour terminer ce second numéro, nous laisserons l'antenne à Soleil depuis Radio France Madagascar à Tana, qui nous amènera au Salon des études à l'étranger qui se déroulait les 1er et 2 février dernier. Mais tout de suite, embarquons à bord de la frégate Lafayette, où nous avons rencontré le capitaine, Madame l'ambassadeur de France et quelques officiers qui nous parleront des raisons de cette escale de quelques jours à Diego Suarez. Oui, bonjour, je suis le capitaine de frégate Pascal Forissier, je suis le commandant de la frégate Lafayette. Je commande ce bateau sur lequel il y a 150 marins et une trentaine d'officiers élèves qui sont présents sur mon bateau pour effectuer la mission Jeanne d'Arc. Cette mission, c'est une mission qui consiste à former de façon pratique les officiers de l'école navale, les officiers de la marine de manière générale. Le groupe est constitué de deux bateaux. Aujourd'hui, je suis seul, mais je suis sous les ordres du commandant Poitou, qui est le commandant du porte-hélicoptère Tonnerre, qui est le chef du groupe et de la mission Jeanne d'Arc, et qui actuellement a été dérouté vers le Mozambique pour intervenir à la suite du cyclone qui a frappé le port de Beira en particulier. Ils sont arrivés ce matin là-bas. Et donc leur programme a changé, ils devaient faire escale ici avec nous aujourd'hui. Ils ne viendront malheureusement pas, mais on comprend tout à fait la raison de leur absence. Pour nous, c'est toujours un plaisir de venir à Madagascar. Moi-même, j'ai eu la chance d'y passer il y a quelques années. Quand j'étais jeune officier, je travaillais à La Réunion sur un patrouilleur qui s'appelait la Boudeuse. Et donc j'avais déjà eu la chance de découvrir cette magnifique baie de Diego et cette ville dans laquelle l'accueil est toujours chaleureux. J'ai retrouvé ce même accueil ce matin en allant en ville. Et mes marins sont ravis de venir ici parce qu'il y a un vrai passé historique qui lie la France et Madagascar. On est toujours reçus de manière remarquable. Et alors que nous sommes partis maintenant il y a un peu plus d'un mois de France, sans véritable pause, on a juste fait un petit arrêt à Djibouti et en Égypte. C'est la première fois qu'on va vraiment profiter d'une pause de 4 jours pour recharger les batteries et pour que chacun puisse prendre un peu de repos avant de repartir en mer. Donc c'est vraiment un moment attendu par tout l'équipage. Je partir aujourd'hui, je serai plus sale et sale dans mon lit. Je t'ai dit qu'une autre vie m'attendra, et même que je rirai quand tu partiras. Je crois. Alors ici, à Diego Suarez, l'arrivée d'un navire, que ce soit un navire français ou étranger, c'est toujours une fête hein, dans la ville. Quels sont les conseils que vous donnez aujourd'hui à l'équipage lors de leur sortie à Diego Suarez ? Moi, je leur dis simplement de profiter de la ville tout en veillant les uns sur les autres à ce qu'il n'y ait pas d'excès. Voilà, je crois que le maître mot, c'est la mesure. Ils ont besoin de souffler, ils ont besoin d'aller mettre le pied à terre, profiter des paysages magnifiques, des restaurants de la ville, etc. Simplement, je leur dis, voilà, sachez que même si vous êtes attendu, et c'est normal, vous êtes des marins de la marine française, vous représentez la marine française, vous représentez la France, donc il ne s'agit pas qu'il y ait de débordement, et ils le comprennent tout à fait. Voilà, c'est les conseils finalement de bon sens que je leur donne, et je suis persuadé que tout se passera bien à chaque fois qu'on est reçu ici, encore une fois, on l'est de manière remarquable. Voilà, j'ai pas d'inquiétude. Après cette escale de 4 jours à Diego, nous allons naviguer et patrouiller dans le canal du Mozambique, en particulier en coopération et au profit de la marine malgache, des forces armées malgaches. Vous savez que le président malgache a rencontré le président de la République française il y a quelques jours au Kenya, me semble-t-il, et ils ont évoqué ensemble la problématique de la sécurité maritime dans le canal du Mozambique en particulier. Et donc notre présence va être l'occasion d'échanger avec eux dans le cadre de la patrouille que nous allons réaliser sur la situation du trafic dans les eaux malgaches, dans la ZEE, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, la situation des pêcheurs. On va leur transmettre ces informations via ce qu'on appelle le CERFIM, le Centre Régional de Fusion de l'Information Maritime, dans lequel on a un officier français inséré, et qui leur permettra de mieux appréhender un peu la réalité de ce qu'est l'occupation maritime, de leurs espaces maritimes, de leur territoire, de leurs ZEE. Et moi, je suis particulièrement heureux de contribuer, à travers cette coopération, à une meilleure appropriation de la part des Malgaches de leurs espaces maritimes. On remercie le capitaine Forissier et nous passons maintenant à l'ambassadeur de France qui nous dira quelques mots sur ce séjour particulier à Diego. Bien sûr, la marine française à Diego Suarez, c'est une histoire ancienne. Mais aujourd'hui, le bateau qui est là est dans le cadre de la mission Jeanne, qui a pris la succession des escales de la Jeanne, qui est d'ailleurs venue ici à plusieurs reprises. Et c'est une mission qui devait comporter 2 bateaux. Un des deux a été détourné sur le Mozambique, où il livre du fret humanitaire. Le bateau qui est là va rester quelques jours, donc une véritable escale. Et ce sera l'occasion pour les élèves officiers qui sont à bord de mieux connaître cette partie de Madagascar qui a été si chère à l'histoire de la marine dans le passé. Bon, à l'évidence, il y a une nouvelle dynamique dans la relation bilatérale. Vous savez que les deux présidents se sont rencontrés il y a quelques jours à Nairobi. Ils ont convenu de se voir à nouveau. Le ministre des Affaires étrangères a été reçu par Jean-Yves Le Drian il y a également environ un mois. Donc nous sommes en train de travailler sur de nouveaux axes de coopération et c'est particulièrement positif. Sur la question de la marine En particulier, effectivement, sur la sécurisation de l'espace maritime malgache, nous pouvons apporter en termes de renseignements, de connaissances de ce qui se passe dans leur espace maritime. Et puis dans un deuxième temps, s'ils le souhaitent, on pourra également les aider à faire davantage sur le plan opérationnel. Du côté des officiers, l'attente de ce séjour à Diego est forte. On écoute tout de suite un jeune officier. Je suis ancien de vaisseau Pierre. C'est une saveur un peu particulière cette escale. Effectivement, on est très content de toucher terre et de découvrir cette île et sa culture. Néanmoins, c'est vrai qu'on a laissé une partie de nos camarades sur le tonnerre pour qu'ils effectuent une mission humanitaire dans le cadre, avec le cyclone au Mozambique qui a fait beaucoup de dégâts. Donc c'est une saveur particulière et en même temps, effectivement, beaucoup de joie de découvrir cette culture et cette île qui, d'après Madame l'ambassadeur, a beaucoup de choses à nous faire découvrir. Voilà. Même s'il y a une histoire commune, le bateau de la marine nationale ne font pas beaucoup escale en fait à Madagascar. Donc c'est vrai que c'est, comme c'est pas une escale très commune, on n'a pas beaucoup d'infos, d'anecdotes. Voilà. Moi, dans des amis marins, je pense que je vais être un des premiers de ma génération à faire escale à Madagascar. nos grands anciens ont sans doute fait plus souvent escale à Madagascar que nous. Donc c'est peut-être moi qui raconterai mes anecdotes à mes camarades. Et voilà. Mais non, moi j'ai pas d'anecdotes, j'ai pas d'a priori sur cette île. Donc j'y vais avec un regard vraiment, vraiment neuf. Voilà, je suis très content pour ça. Diego, ça bouge. Magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM. Samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul. Page Facebook Diego, ça bouge. Après cette petite escale à bord de la frégate Lafayette, nous vous proposons de rejoindre les mobilisations organisées par la société civile malgache pour l'événement Une heure pour la Terre. C'était le 30 mars dernier. Nous écoutons tout de suite le coordinateur de la campagne. Aujourd'hui, on célèbre l'événement mondial Earth Hour ou Une heure pour la Terre. Notre équipe est présente ici pour solliciter et mobiliser les membres de la communauté de Diego à la lutte face au changement climatique, de faire naître dans les membres de la communauté cette volonté de faire face au changement climatique et d'être résilient par rapport aux impacts de ce changement climatique. D'après nos observations déjà au niveau de la ville, il y a les fortes hausses de température. Actuellement, ça avoisine les 30 et 32 degrés, alors qu'auparavant, c'était dans les 27-28. Par rapport à cela également, on peut observer une difficulté sur la pluviométrie. À une certaine période, donc, il pleut beaucoup, mais en court laps de temps. Et des fois, il ne pleut pas du tout. Par rapport à l'organisation de l'événement, il y a eu d'abord la sensibilisation des institutions publiques, mais également les institutions privées, les associations, ONG. Par rapport au programme, dans la matinée, on s'est divisé en deux groupes. La première a assumé la restauration des mangroves vers la zone de l'Apiro. Ceci afin de faire la protection du littoral avec les mangroves et en même temps de contribuer à la résilience des communautés à proximité sur l'obtention des produits comme les crabes, les crevettes et les poissons. L'autre groupe a assuré l'assainissement de la ville par le nettoyage de place Joffre, place Cabar et également la place de la musique. Actuellement, les gens se rendent compte que ça change par rapport à la pluie et aux températures, mais la compréhension du terme changement climatique est vraiment assez récent pour eux. Donc c'est vraiment l'un des objets de cet événement, de renforcer cette compréhension et cette information au niveau du public afin de contribuer tout ensemble à une meilleure alternative pour l'adaptation. Si on travaille ensemble pour la conservation et la bonne gestion des ressources, on pourra d'un côté faire face au changement climatique, mais également d'aller au-delà de cette pauvreté extrême. On nous dit toujours que l'avenir est entre les mains des jeunes et de la génération future, mais pour moi, l'avenir est entre la main de tout un chacun qui est actuellement capable de s'activer, d'apporter sa propre contribution. Donc, il ne faut pas attendre que les autres fassent quelque chose. C'est à nous de faire quelque chose avec ce que nous avons aujourd'hui et maintenant. Nous avons fait le nettoyage de Place Cabar. Et puis là maintenant, on va faire un carnaval tour de ville de Diego Suarez. On porte des pancartes pour une heure pour la terre, association pour culturelle, surtout des jeunes à Madagascar. L'eau c'est la vie. Koulou et Kouniala. Ant Kunran. C'est pour l'environnement, la protection de l'environnement. On vient de balayer les ordures à la place musique. Il y a plusieurs associations de jeunes là-bas pour nettoyer, quoi. Il fait de plus en plus chaud. Il y a plus d'ordures, on peut voir le changement et sensibiliser les gens à ne pas jeter les ordures partout, dans la mer, exemple, Il faut protéger l'environnement. On est ici parce que cette action pour la protection de l'environnement s'inscrit vraiment dans la nouvelle orientation de l'ONG Cœur et Conscience. C'est-à-dire qu'on a très envie de montrer notre implication en faveur de l'environnement. On a très envie de s'engager pour le développement durable. Et participer à ce genre d'opération, c'est une manière de s'impliquer pour l'environnement très concrètement. J'ai été agréablement surprise, je trouve que c'est très bien organisé. Nous, notre équipe est partie faire du reboisement de mangroves. Je pense que l'environnement, il y a une urgence environnementale et il faut en prendre conscience. Madagascar, c'est en train de... J'ai l'impression que ça change, que les gens prennent de plus en plus conscience. J'ai l'impression que le gouvernement aussi met en place de plus en plus de choses pour que les gens prennent conscience. Donc je pense que cette opération-là aujourd'hui, qui est de grande ampleur quand même, ça a mobilisé quand même pas mal de monde, je pense que c'est très important pour sensibiliser la population qui n'a peut-être pas forcément accès à l'information aussi. Je ne sais pas trop si tout le monde était conscient ou pas, mais là on est en train de faire la marche pour sensibiliser les gens qu'il faut vraiment faire quelque chose pour notre planète. C'est très important, mais il ne faut pas le faire ponctuellement, il faut le faire... tout le temps, tout le temps. Voilà, on a bien compris le message. La mobilisation, c'est tous les jours. Vous êtes à l'écoute de votre émission Diego Ça Bouge. Et on écoute tout de suite un morceau de l'artiste Milly Clément qui nous parle justement de changement de comportement en ce qui concerne l'environnement. Thank you. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Radio Ça Bouge, le magazine culturel du nord de Madagascar. Nous allons tout de suite à la rencontre de Dominique Hess, il est le fondateur de la revue culturelle Indigo et il nous présente ce projet. L'idée de la revue m'est venue à cause de mon amour pour les arts, les cultures, où que je sois. Je suis curieux de savoir quelle est l'histoire culturelle de l'endroit où je me trouve. Indigo est une revue assez particulière dans la mesure où je ne trouvais rien d'équivalent dans l'océan Indien. Que j'aille à Maurice, à Mada, aux Seychelles, aux Comores, il n'y avait rien. Il y avait quelques revues, mais spécialisées notamment dans l'histoire, dans la photographie. Mais rien qui ne rassemble les arts, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la poésie, la littérature. Et puis la culture, c'est-à-dire connaître un peu d'où nous venons, les origines des peuplements, c'est-à-dire anthropologie, sociologie, ethnologie. Voilà. Et donc tout ça m'a donné l'idée de faire une revue qui synthétiserait les meilleurs savoirs avec les meilleurs contributeurs pour donner une revue qui soit à la fois un objet, une sorte d'ovni, par son format, parce qu'elle fait 25 sur 25, sur le papier sur lequel elle est imprimée, c'est du papier recyclé 140 grammes. Et puis, sa particularité, c'est qu'il n'y a pas de verrue, il n'y a pas de publicité, c'est 100% de la culture, sans nuisance visuelle. Nous avons ouvert une galerie avec mon ami Jean-Luc Schneider, grand libraire spécialisé dans la bande dessinée et éditeur, parce que nous avions le souci de faire connaître aux Malgaches une production qui venait de chez eux et qui n'était visible qu'à l'extérieur, c'est-à-dire à La Réunion, à Maurice, en Europe, et très peu chez eux. Et cette galerie, non seulement donc, elle propose de la bande dessinée, de l'océan Indien, mais aussi la revue Indigo, mais pas que, puisque c'est une galerie, nous faisons également des expositions d'artistes pour qui nous avons eu un coup de cœur. Ces artistes ont fait partie de la revue. Et donc, c'est pour nous aussi un moyen de donner un coup de pouce à ces jeunes artistes qui n'ont pas suffisamment de lieux pour s'exposer. Alors, à Diego, j'ai rencontré quelqu'un de très féru de culture qui m'a donné également envie de trouver un espace. Et il a été trouvé. Maintenant, nous devons le mettre en valeur. Nous devons lui consacrer du temps et beaucoup de passion pour qu'il devienne, à notre image, un lieu de culture, de partage et d'échange avec le monde des arts et de la culture. Aussi bien régional, c'est-à-dire dans la Diana, mais aussi dans tout Madagascar, il y aura des croisements, il y aura des expositions, il y aura des conférences, peut-être même du cinéma. Donc on a un projet qui est en fait évolutif. Pour l'instant, c'est surtout librairie avec du contenu de la revue, des BD, mais aussi d'ouvrages spécifiques à la région, avec des galeries qui exposeront des œuvres permanentes et des œuvres temporelles, avec au-delà peut-être aussi des convergences musicales. J'espère maintenant que cette revue puisse voler de ses propres ailes, c'est-à-dire par les ventes, les abonnements, mais aussi peut-être par du mécénat et par des subventions que nous avons sollicitées pour pouvoir que cette revue se pérennise et qu'elle donne du plaisir au plus grand nombre. Je crois que la culture nous sauve de nos égoïsmes, nous sauve du fait barbare qui fait partie de la nature humaine, qui nous permet justement d'avoir des échanges et de pouvoir contribuer à valoriser le beau. Bien que ce mot soit un peu difficile à codifier, qu'est-ce que le beau dans les arts, dans la culture? C'est un long débat. Mais pour moi, La culture, c'est valoriser ce qui est enfoui et faire connaître ce qui est présent à travers de jeunes auteurs, de jeunes artistes, et permettre ainsi aussi de leur donner une chance de se positionner dans un monde extrêmement difficile pour eux. Et donc c'est de la visibilité qu'on leur donne. Et de parler avec eux, c'est aussi pour nous une manière d'exister, de se ressourcer. Et je ne suis bien que dans cet environnement-là. Après Dominique, nous allons maintenant à la rencontre des Faragas Fusion qui étaient en concert à Diego Suarez la dernière semaine de mars. Ils nous parlent un petit peu de ce séjour à Diego et nous écouterons ensuite un petit extrait de leur concert au Jardin Tropical. Voilà ça à Diego. Faragas Fusion est un groupe malagasy qui met en avant les rythmes traditionnels du pays tout en apportant une touche de modernité dans notre composition. Et c'est du style gassi. World Fusion Percussion. On est composé de 5 personnes. Il y a Reims, Apunga Mazavalou, il est batteur. Et il y a Dadi, guitare à basse. Et il y a Mamnien, guitare acoustique. Et il y a Bruno, percussion. Et il y a moi, Mila Faratine, steel drums. Le steel drums, c'est un instrument qui vient originaire de Trinidad. Et c'est mon père qui a fabriqué l'instrument. Et c'est lui aussi qui m'a appris à jouer l'instrument à l'âge de 13 ans. Il s'appelle Ragas et il fabrique des instruments, hein. Il fabrique les tambours et tout ça. Il a un ami, hein, qui a apporté le steel drums à Madagascar. Et il a montré à mon père le steel drums et c'est mon papa qui a imité le steel drums. Diego est super. On était allé à Ramen et c'était très très beau. Pour moi, c'est la première fois que je suis allée à Diego et je trouve Diego est vraiment calme, sécurisé, dans une sécurité coucou. Hein. J'aime beaucoup au Jardin Tropical et à la terrasse aussi. Au Jardin Tropical, hein, c'était vraiment super avec les publics, même si les publics sont un petit peu calmes, hein, mais je crois qu'ils regardent encore comment elle fait avec l'instrument, c'est quoi ça Je suis Mamnien, je suis le guitariste du groupe. Ces jours à Déco, c'était une découverte. On a fait des échanges avec beaucoup de musiciens d'ici. On a joué sur le rythme de Déco, du genre Bawedz et Salé, qui... Il y a beaucoup de partage. Je vois aussi que Déco, c'est un fil un peu artistique. Alors, l'art, c'est un peu valorisé ici. Bola Tchara Déco. Je suis Dads, le bassiste du groupe Faragas Fusion. C'est super le jour qu'on a passé à Diego et je suis vraiment impressionné aussi par les autres groupes d'ici. C'est traditionnel, pur et je pense qu'ils ont aussi des avenirs aussi sur le plan musical. Là. On a passé environ 45 heures de route et c'est hyper fatigant. J'ai avec Ragas. Qui joue un peu de Salé, de Bawedz avec l'acoustique. On a rencontré aussi Médicis qui joue à l'accordéon. Il y a un petit garçon, je ne me souviens pas le nom, qui vient de Babaoumbi. Il a joué sur mandoline, du genre aussi de Bawedz. On a fait des échanges et on a joué ensemble, on a fait des partages. Et le groupe de la mairie aussi, qui sont des étudiants à l'école de la musique ici à Déco. On n'a pas joué ensemble, mais on s'est discuté, on a fait des échanges sur la musique qu'on joue, ou la musique qu'ils jouent aussi. Par rapport à Tana, à Déco, les gens sont intéressés de la nouvelle musique qu'ils entendent, des nouveaux groupes. Par rapport à l'opportunité, je vois qu'à Tana, on peut jouer dans plusieurs endroits, dans plusieurs festivals. Et pour Déco, il y a quelques sortes d'endroits qu'on peut jouer. Je vois qu'il faut entreprendre un peu dans l'industrie de la musique ici à Déco. Et de créer des genres de festivals de la musique, comme dans toutes les autres provinces. Oh. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Diego ça bouge. On vient d'écouter les Fargas Fusion. C'était un concert enregistré le 28 mars dernier au Jardin Tropical. Et nous vous proposons maintenant une petite pause dans un restaurant qui s'appelle Le Ponton à Port-Jasmine. Un des seuls restaurants les pieds dans l'eau à Diego Suarez. On rencontre tout de suite Daniel, le patron. Je suis Daniel, le gérant du restaurant à Port-Jasmine. Port-Jasmine, ça se trouve juste après les abattoirs, au bord de l'eau. Nous existons depuis 12 ans. Nous faisons beaucoup de spécialités à base de fruits de mer, poissons, des produits de la mer. C'est le seul endroit à Diego où on peut manger quasiment les pieds dans l'eau, puisque le restaurant, la terrasse, se trouve au bord de la plage. Je fais un choix déjà très rigoureux sur les poissons. On ne fait pas n'importe quel poisson ici. Ensuite, ce sont des produits qui viennent exclusivement des pêcheurs qui ont déjà été sélectionnés. Ce ne sont que des produits frais, hyper frais. Alors aujourd'hui, nous avons des filets de mérou, des mérou entiers et également des filets de coin-coin, appellation d'un poisson, appellation locale, qui est juste excellent, qui fait partie des tops du poisson. Donc nous sommes ouverts tous les midis. Le dimanche, fermeture hebdomadaire et nous faisons à manger le jeudi soir. Voilà, merci Daniel. On a l'eau à la bouche et je pense que les gens qui nous écoutent sur Tana n'hésiteront pas à faire un petit saut chez vous lors de leur séjour à Diego. On écoute maintenant un extrait, un court extrait du concert de Sarandra Belouba. C'était toujours le 28 mars dernier au Jardin Tropical. Thank you. Voilà, nous arrivons dans le dernier quart d'heure de notre émission et nous allons laisser l'antenne à Radio France Madagascar et Soleil qui nous amène au Salon des études à l'étranger. C'était le 1er et 2 février dernier à Tana. Bienvenue dans la deuxième partie de Diego Sabouge, dans laquelle nous vous présentons un reportage réalisé par l'équipe de Radio France Madagascar, 102 FM, présenté par Soleil. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi, mon amour. Pour ce deuxième numéro de Diego Sabouge, toujours en partenariat avec Radio Jupiter à Diego Suarez, nous présentons un reportage spécial Salon des études à l'étranger qui s'est déroulé du 1er au 2 février 2019 au Carlton Annus à Antananarivo. Soyez donc bien attentifs, surtout si vous êtes étudiant, car certaines universités sont susceptibles de vous intéresser. A noter que le Salon des études à l'étranger est une grande opportunité pour les bacheliers malgaches afin d'avoir toutes les informations pour étudier à l'étranger. Le Salon propose plusieurs conseils accessibles gratuitement pour plus d'une vingtaine de destinations. Qu'importe le temps, tant que je t'aime. Pour ce Salon des études à l'étranger du mois de février 2019, nous avons pu nous entretenir avec deux représentants d'établissements anglophones, dont celui de ILS USA. Et voici quelques explications par rapport aux études à ILS USA. La plupart de nos centres aux États-Unis, ils se trouvent sur les campus universitaires. C'est-à-dire que vous aurez quand même un programme d'anglais intensif chez nous. Mais la différence entre l'apprentissage de la langue ici et l'apprentissage de la langue là-bas, c'est que quand vous sortez de notre salle de classe, vous arrivez sur un campus et vous serez environné par des milliers d'étudiants américains d'à peu près le même âge. Donc, ça veut dire que vous aurez beaucoup d'opportunités d'échanger régulièrement avec les Américains, ce qui va bien sûr accélérer l'apprentissage de la langue. D'accord? Nos programmes d'anglais, ça peut durer à partir de 2 mois jusqu'à 12 mois. Comme j'ai dit, le test à Fan Education, ça va déterminer la bonne durée pour vous. Actuellement, si on parle de nos étudiants malagasies, la durée moyenne est 6 mois. Mais c'est-à-dire, ça c'est la moyenne. On a eu quelques-uns qui étaient prêts pour commencer les études universitaires après 2 mois chez nous. Et par contre, on a eu certains qui ont eu besoin de 10 mois. Donc chacun, c'est un peu différent. Donc le test est très important. Après le test, on saura, ainsi que la durée du programme, on saura quelle rentrée académique à cibler à l'université. Parce que aux États-Unis, au Canada, il y a plusieurs rentrées académiques chaque année. Ce n'est pas comme ici où vous ratez la rentrée de septembre, il faut attendre septembre prochain. D'accord? Il y a plus ou moins une option tous les 3 mois. D'accord? Donc c'est très flexible. Okay? Et on va postuler à l'université pour obtenir une admission conditionnelle. Ça veut dire que vous êtes admis académiquement, mais il y a une condition. La condition étant l'obtention du bon niveau d'anglais. C'était le représentant de ILS USA, un établissement américain. Avant de passer à la prochaine université, faisons une petite pause sur ce morceau de Edgar Ravage, Ohio. Savais aimer aussi bien que tu sais chanter. Si tu savais aimer aussi bien que tu sais faire pleurer. Plus de mots si tu pouvais aimer. Ah, si tu pouvais m'aimer, oui, ta vie serait changée et la mienne dorée. Oh, rayon. rien sinon qu'un son qui résonne dans trop de cœurs, suffisamment pour que tu donnes le tien. Il reste vide, ne laisse rien du tout, des larmes de rancœur. Sami mano se mette in ura con un urla, sami tombe un pan le ruo. Car una dolzan fa panu con un tigrla, e ni ni ni ni ran mas prisa. Rejoindre, sachez que vous êtes dans le reportage de RFM spécial Salon des études à l'étranger pour la deuxième partie de Diego Sabouge. Partons maintenant à la rencontre de la représentante de l'université de Santa Rosa Junior College. Alors, je m'appelle Rakuto Manana Klunaniena. En réalité, je ne travaille pas directement à l'université Santa Rosa Junior College, mais je le représente uniquement durant le salon des études internationales à Carleton. En ce qui concerne les Santa Rosa Junior College, c'est un community college qui est de renommée internationale. Il est localisé en Amérique du Nord, c'est-à-dire en Californie du Nord, à une heure de route de San Francisco. Je tiens quand même à signaler que les community colleges, ce n'est pas comme une université. Il y a quelques similarités, j'avoue, mais la différence c'est que à l'université, il faut passer 4 ans pour pouvoir obtenir sa licence. Et alors que au community college, les études ne durent que 2 ans. Et après ces 2 ans d'études, l'étudiant va obtenir un associate degree. C'est assimilable au DTS ici à Madagascar. Et après, il a tout de suite le droit de travailler s'il ne veut plus continuer ses études. Mais si par contre il souhaite obtenir sa licence ou bien son master, alors il doit consulter une université, il doit vraiment rentrer dans une autre université. Sinon, concernant les filières de Santa Rosa Junior College, il y a toutes les filières, à part, excepté, je crois, 3, et tout ce qui concerne la médecine, tout ce qui tourne autour de la santé. Sinon, Santa Rosa Junior College propose également des hébergements. Soit c'est sur campus, dans des familles d'accueil. Quels sont les critères pour les nouveaux bacheliers malgaches pour pouvoir intégrer Santa Rosa Junior College? Les critères pour pouvoir y accéder, c'est d'abord d'avoir le bac en soi. Ensuite, il faut avoir les bases en anglais. Il faut vraiment maîtriser l'anglais en tout. Et pour cela, il faut avoir des diplômes en anglais comme IELTS ou TOEFL que nous pouvons acquérir en étudiant à l'ITP. Ou soit l'étudiant peut également aller directement aux États-Unis, c'est-à-dire en Californie, pour acquérir un diplôme via l'université ILS. C'est une université qui travaille en partenariat avec Santa Rosa Junior College et cette université propose des bains de langue pour les étudiants étrangers. Alors, la durée des études là-bas dépend du niveau de l'étudiant. Mais d'habitude, c'est entre 3 à 12 mois maximum. Et après, l'étudiant délivre un diplôme à l'étudiant et l'étudiant en question peut immédiatement être transféré au niveau de son université de choix, à condition bien évidemment qu'il y ait admis. Alors, c'est la troisième édition de Global Expo, c'est la troisième fois que nous organisons ce salon. Les avantages, je dirais qu'il y en a vraiment plusieurs, mais parmi les avantages que nous avons, c'est de pouvoir dire aux étudiants qu'ils ont la possibilité d'étudier à l'étranger, de connaître une agence, par exemple Fun Education, qui accompagne les étudiants dans toute la procédure, mais aussi qui accompagne les étudiants une fois qu'ils sont acceptés par l'université, dans l'élaboration du visa, dans la recherche des hébergements. De plus, il y a des représentants des universités qui sont présents ici, donc les étudiants ont la possibilité de pouvoir tout de suite leur parler directement pour les programmes ou les programmes de scholarship et les aides financières. Donc ce sont les avantages de l'organisation de ce salon. C'était le reportage spécial Salon des études à l'étranger par Radio France Madagascar pour Diego Sabouge, présenté par Soleil. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié toi mon amour, pitié-toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Voilà, merci d'avoir suivi votre émission Diego Sabouge. Nous espérons que vous avez apprécié cette petite balade à Diego et dans ses environs. Nous vous laissons sur Radio Jupiter et Radio France Madagascar à Tana. On se retrouve chaque samedi de 14h à 15h. N'oubliez pas également notre page Facebook Diego Sabouge sur laquelle vous pouvez nous laisser vos commentaires ou vos questions en ce qui concerne cette émission et les suivantes. Merci, bonsoir. Diego Sabouge, magazine d'actualité culturelle en français à Diego et au nord de Madagascar. Diffusion à Diego à la radio Jupiter 90 FM. Samedi 14h à 15h. Atana RFM, Radio France Madagascar 102 FM. Animation Zoul. Page Facebook Diego Sabouge.